Comment direz-vous, vous, usted, pourriez? Podría. Bien, podría. Podría. Alors, la question, est-ce que vous pourriez me dire, ça sera... Podría decirme. D'accord, podría decirme. Et est-ce que vous pourriez attendre, ça sera... Est-ce que vous pourriez attendre? Podría esperar. D'accord, podría esperar. Mais au lieu de podría esperar, est-ce que vous pourriez attendre? Vous pouvez dire plus directement, puede esperar, est-ce que vous pouvez attendre? Et de la même manière, podría decirme ou puede decirme, est-ce que vous pourriez ou pouvez me dire?